je tuerai mon patron et je lui ferai rendre l'âme. Juste un joli trou dans le front. Demain, je tuerai mon patron. Pas de procès, non, pas de prison. Je retournerai le canon de l'arme vers mon propre crâne. Après avoir tué mon patron. J'abrégerai son ascension en jouant mon dernier joker. Liés à jamais, nous irons main dans la main jusqu'en enfer. Enfin, libérés de la chaîne des diktats de la production, j'oublierai le cri des sirènes dès que j'aurai tué. Rien à dire, que quelque chose est mort en moi et que j'ai décidé le pire. Je vais moi aussi faire ma loi avant de passer à la caisse, de me faire sauter le caisson. Je vais présenter l'addition à l'ordure qui m'a mis en pièce. Il me dira: hé, hey, négocions, nous sommes faits pour nous entendre. Mais il aura moins d'illusions. Mon patron, j'œuvrerai pour le bien public, l'esprit en paix et sans passion. Demain, je tuerai mon patron, arrivé à l'instant.